qu'on est à l'aube de l'intelligence. Je veux dire que l'homme doit commencer à comprendre l'importance de ne jamais vibrer dans son plexus solaire. Et tant que vous vibrez dans votre plexus solaire, c'est que vous êtes dans votre intelligence karmique. Autrement dit, pour vous donner une autre règle de mesure de jusqu'où vous êtes dans votre intelligence karmique, c'est que si vous êtes capable de vibrer ici. Alors, dans votre vie, des années qui vont venir, vous allez vivre des situations où vous allez vibrer ici. Ces situations-là vont vous amener à ne plus vibrer ici. Fait qu'automatiquement, vous allez rentrer dans l'intelligence libre, parce que quand tu es dans l'intelligence libre, tu ne vibres plus ici. À ce moment-là, les forces astrales, la mémoire, l'âme n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous n'avez plus besoin de leur support. Vous n'avez plus besoin de leur support. Vous êtes dans votre propre lumière. Vous commencez à construire la tombe mentale supérieure, puis vous commencez à construire l'enveloppe d'énergie autour du corps éthérique, puis un jour, mais, les yeux se rouvrent, puis vous voyez dans les terres. Puis un jour, mais, papa. L'homme n'a pas besoin de support astral pour vivre sur la terre. L'homme n'a pas besoin de support astral pour vivre sur la terre. Il peut vivre sur la terre sans support astral. S'il y a besoin sur la terre d'une énergie qui convient à la structure du corps astral, il se la crée, cette énergie-là, puis elle vient du plan mental. Elle ne vient pas du corps astral, du plan astral. OK, je ne peux pas le répéter pareil, mais on va le répéter d'une autre façon. L'homme sur la Terre n'a pas besoin d'astraliser sa conscience pour être capable de vivre sur le plan matériel. Il est capable de faire descendre sur le plan matériel, à travers son corps astral, une énergie qui vient du mental et qui lui permet de fonctionner sur le plan humain de la même façon que s'il était astralisé, avec cette différence que la vibration, elle est totalement mentale. Et que la vibration, en passant à travers son système nerveux, lui donne la même impression de vie que s'il était astralisé. Donc, tout ce qui reste du corps astral, c'est son atome, et cet atome-là est sous le contrôle vibratoire de l'atome mental, et tout ce qui est autour, qui fait partie de l'intelligence karmique, de la mémoire, n'existe plus. C'est pour ça que s'il y a des gens, des fois, qui essayent de voir mon aura, vous verrez que vous ne verrez pas d'aura. Vous pourrez voir une lumière autour de ma tête, dans la région de la tête, ou une lumière autour de mon corps, qui est plutôt dans le blanchâtre, mais vous ne verrez jamais de toutes ces couleurs horrifiques-là. C'est très important de comprendre la nature de l'intelligence karmique et de comprendre que toute notre intelligence, au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on va vers la fusion, toute notre intelligence karmique diminue, part, disparaît, et qu'elle est remplacée par l'intelligence libre, et que cette intelligence libre devient le point de rencontre entre notre ego et notre esprit, et c'est tout ce qu'on a de besoin. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. On n'a plus besoin de support émotif pour vivre notre vie sur le plan matériel. On est dans une énergie qui nous donne le support mental et ça nous permet de vivre notre vie d'une façon totalement consciente, totalement en harmonie, autrement dit, avec notre réalité et ses autres plans. Donc à partir de ce fait-là que je vous dis à soir, que je vous parle, ça va changer encore votre vibration, puis ça va vous rendre encore un petit peu plus relax, un petit peu plus libre. Ça se fait instantanément, ça se fait tout de suite. Puis ça grandit, puis ça grandit. Vous allez être un petit peu mieux dans votre peau, moins en tête. On va manger. Je peux-tu continuer? dans le processus de passage ou de découverte de l'intelligence libre, pour sortir de l'intelligence karmique, l'homme doit apprendre à parler de ce qu'il ne connaît pas au lieu de parler de ce qu'il connaît. On a l'habitude de parler seulement de ce qu'on connaît et on n'a pas l'habitude de parler de ce qu'on ne connaît pas. C'est aussi facile pour nous autres de parler de ce qu'on ne connaît pas que de parler de ce qu'on connaît. Puis éventuellement, ça devient plus facile de parler de ce qu'on ne connaît pas que de parler de ce qu'on connaît. Puis éventuellement, on n'est plus intéressé à parler de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on connaît. On est intéressé à parler de ce qu'on ne connaît pas. Puis ça, c'est une des grandes qualités de l'intelligence libre. Un homme qui est dans son intelligence libre, il parle toujours de ce qu'il ne connaît pas. Il ne parle jamais de ce qu'il connaît. Tu comprends-tu ça? Ça, il faut réellement le savoir pour le savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, bien, tu ne peux pas parler de même. C'est une très mauvaise habitude pour nous autres, les hommes, de parler de ce qu'on connaît parce qu'automatiquement, on amplifie. On amplifie en nous la vibration du corps astral. On se sert constamment à la fontaine de notre souvenir et on perd petit à petit l'énergie qu'on a en nous, qui est liée à notre intelligence libre et qui nous permet de réaliser petit à petit jusqu'où on peut aller dans ce qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on s'habitue à parler de ce qu'on ne connaît pas pour pénétrer de plus en plus dans le domaine de l'esprit. Si on parle de ce qu'on connaît, on ne pénètre pas dans le domaine de l'esprit, on pénètre dans le domaine de la mémoire. Et on reste embourbé dans cette mémoire-là. Quand l'homme commence à s'initier à cette façon de voir les choses et qu'il commence à parler de ce qu'il ne connaît pas, au début, il ne parle pas bien parce qu'il n'est pas encore suffisamment libre pour utiliser les formes de son intelligence karmique au profit de l'exercice de l'intelligence réelle. Et comme il n'est pas capable d'utiliser ces formes-là d'une façon parfaite, automatiquement, il a tendance à revenir dans le domaine de ce qu'il connaît. Parce que là, il est plus à l'aise. Parce que quand tu commences à parler de ce qu'il ne connaît pas, au début, il y a des embûches, les mots sortent croche, parce que la vibration n'est pas ajustée. Mais au fur et à mesure qu'il se pratique à ça, qu'il commence à utiliser son intelligence libre. L'intelligence libre, c'est une intelligence qu'on utilise, tandis que l'intelligence karmique, c'est de l'intelligence qui nous utilise. L'intelligence libre, c'est une intelligence qu'on utilise et qu'on utilise à profit, c'est-à-dire qu'on utilise à perfection au fur et à mesure qu'on devient conscient. Et cette intelligence libre-là, elle est toujours là, elle est toujours à la disposition de l'homme. C'est à lui, en tant qu'ego, de s'en servir. Et pour qu'il s'en serve bien, moi-même, il faut qu'il laisse l'habitude d'être utilisé par l'intelligence karmique. C'est pour ça que dans vos conversations, quand vous vous rencontrez, quand vous prenez un petit café ensemble, quand vous jasez ensemble, apprenez donc à parler de quelque chose que vous ne connaissez pas, au lieu de parler de quelque chose que vous connaissez. Comme ça, vos conversations vont être plus intéressantes, vont être plus intelligentes, vous allez découvrir des choses, et les gens avec qui vous parlez vont devenir de plus en plus conscients de votre intelligence, comme vous allez devenir de plus en plus conscients de leur intelligence, donc il y aura une plus grande conscience d'intelligence parmi vous autres. Au lieu de perdre votre temps à jaser et de parler de choses que vous connaissez. Quand vous allez voir un film, vous aimez ça voir un film neuf, vous n'allez pas voir un vieux film. Vous devriez faire la même chose au niveau de l'intelligence. Apprenez à utiliser l'intelligence libre, autrement dit, apprenez à parler de choses que vous ne connaissez pas. C'est bien plus facile qu'on pense de parler de choses qu'on ne connaît pas. Il y a toujours une mesure vibratoire. Il y a des mécanismes de retenue dans l'intelligence libre. C'est évident que si vous discutez de politique, par exemple, avec des gens qui s'intéressent à la politique puis qui ont de l'information politique, journalistique, vous allez voir que hop, l'intelligence bloque. Là, c'est comme si vous n'aviez plus rien à dire. Là. Mais ça, c'est encore pour toujours diminuer la vibration astrale dans votre ego. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quelque chose à dire. Et on se fait fourvoyer par ce mécanisme-là parce que les gens qui ont l'impression de ne pas avoir quelque chose à dire, cette impression-là, les accole contre un mur. Puis ils demeurent dans l'impression qu'ils n'ont rien à dire. C'est impossible qu'un être humain n'ait rien à dire. Un être humain a toujours quelque chose à dire. Mais si l'homme est trop dans l'intelligence karmique à ce moment-là, il va perdre confiance dans son intelligence. Et c'est là que vous perdez votre intelligence. On n'utilise pas notre intelligence. On utilise beaucoup notre intelligence karmique, mais on n'utilise pas l'énergie de notre intelligence libre. Et la raison pour laquelle on n'utilise pas, c'est pas parce qu'on ne l'a pas, c'est parce qu'on a été mal éduqué. Et ayant été mal éduqué, on est bourré de mécanismes d'habitude et d'attitude, et ce sont ces mécanismes-là qui nous bloquent. Et l'utilisation de l'intelligence libre, elle s'opère dans tous les domaines de la vie, selon votre activité, selon ce que vous avez à faire. Elle est opérative, cette intelligence-là. D'accord, elle semble être contrôlée, mais il y a des raisons pour lesquelles elle est contrôlée. Elle ne peut pas être trop puissante. Sans ça, ça changera trop vos vies, ça changera trop l'extérieur, votre relation avec l'extérieur. Mais elle est là tout de même. Et dans des conversations particulières, elle peut se manifester, cette intelligence-là, pour que vous puissiez prendre conscience qu'elle est instantanée et libre. Autrement dit, libre de parcourir tous les dominions de l'esprit et d'expliquer à l'ego les mystères de la vie et non de la création. C'est là que je veux commencer à parler. L'homme a tendance à s'intéresser au mystère de la création. Il n'est pas intéressé, il ne pense pas au mystère de la vie. Et s'intéresser au mystère de la création, ça c'est bien subtil, ça. S'intéresser au mystère de la création, ça fait partie de l'intelligence karmique. Écoute bien ça, Croteau. S'intéresser au mystère de la création, c'est s'intéresser à l'intelligence karmique parce que, dans le domaine de l'esprit, la création n'existe pas. Quand l'homme sera dans le domaine de l'esprit, la création n'existe pas. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est la création. La création, c'est la réponse instantanée du pouvoir de la lumière sur les corps subtils inférieurs de l'homme pour lui donner l'impression d'une réalité matérielle. La création, c'est le plus grand... Sacrément. La création, c'est le plus grand mythe créé par l'intelligence karmique pour maintenir dans la matière l'esprit. Qui c'est qui a un contact, ça? Mandez-vous-les dans votre tête si j'ai raison ou non. Donnez-moi des réponses. L'autre. Hein? Quoi? La création, c'est répétitif. Quand je vous dis ça, là, quand je vous dis que la création, c'est un mythe créé par l'intelligence karmique pour garder l'esprit dans la matière, je veux dire que la création, tout ce qui est de matériel de création, tout ce qui est lié à la connaissance de la création, c'est du matériel involutif, c'est du matériel qui a servi à la descente de l'esprit dans la matière. Dans le monde de l'esprit, la création n'existe pas. La création commence en dessous du monde de l'esprit. La création commence en dessous du monde de l'esprit. La création commence à partir du plan astral. L'esprit, c'est rien que de l'énergie. Et dans le monde de l'énergie, il y a des mondes de lumière. Et dans les mondes de lumière, il y a de l'intelligence. Il y a des êtres qui manipulent cette énergie-là qu'on appelle de l'intelligence. Et ces êtres-là sont atemporels. C'est-à-dire que ces êtres-là sont totalement en dehors du temps. Et c'est le fait qu'ils sont en dehors du temps qu'ils sont responsables de quoi? De créer la marque d'amour. Non, une autre réponse. De l'organisation de quoi? Non. Y en a-t-il un qui garde une réponse à ça? De la vie matérielle. C'est ça. Ils sont en dehors du temps, c'est pour ça qu'ils sont responsables de la vie matérielle. Et être responsable de la vie matérielle, ça veut dire être responsable de bien quoi? De bien gérer l'énergie. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'homme est dans l'ignorance, autrement dit que l'homme est dans l'intelligence karmique, autrement dit que l'homme est dans la mémoire, autrement dit que l'homme se sert de la mémoire, autrement dit que l'homme se sert des symboles qui sont en fait la représentation astrale de la mémoire pour empêcher l'homme d'être intelligent? Parce qu'aussitôt que l'homme est intelligent, qu'il rentre dans son intelligence, il devient homme-esprit. Et quand l'homme devient homme-esprit, il n'est plus quoi? Il n'est plus sujet aux lois de l'intelligence karmique, il n'est plus sujet aux lois de l'astral, il est convive au monde de quoi? De la lumière. À volonté. Alors, si je dis que la création n'existe pas, je dis que la création n'existe pas. C'est final. Mais pour réaliser qu'elle n'existe pas, il faut être dans son esprit libre. Autrement dit, il faut que l'homme, que l'ego ait accès à l'esprit. S'il n'a pas accès à l'esprit, qu'il a accès à l'astral ou à des intelligences prisonniers de l'astral, que ce soit des maîtres ou des êtres inférieurs, il sera hamas. Parce que même les maîtres spirituels qui sont dans l'astral savent que la création existe. Seul l'homme en esprit sait que la création n'existe pas. Et c'est parce que les maîtres dans l'astral savent que la création existe qu'ils sont obligés dans l'astral de vivre ou d'exécuter les lois de ce qu'ils savent, donc ils sont obligés de travailler à maintenir les lois de l'évolution, maintenir les lois de l'intelligence karmique sur la Terre, en créant des religions ou des systèmes qui permettent à l'homme d'évoluer spirituellement et de demeurer à l'intérieur du contour des lois de l'intelligence karmique, autrement dit des lois de la mémoire d'âme. J'essaie d'aller plus loin dans l'exposé de la nature de l'intelligence pour faire comprendre à l'homme qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Même moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Je suis en train de le découvrir. Alors, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence, comment voulez-vous que l'homme se nourrisse de connaissances quand la connaissance ne vient pas de l'intelligence, mais que la connaissance vient de l'ignorance, qui est une forme d'intelligence karmique? Tout était énergie. On dit que dans les cycles qui viennent, dans les périodes qui viennent, l'homme en arrivera à avoir le contrôle sur la matière. Pourquoi est-ce que l'homme aura le contrôle sur la matière? Pourquoi est-ce que l'homme aura sur son corps matériel le contrôle? Pourquoi est-ce que l'homme pourra dématérialiser son corps matériel? Parce que son corps matériel ne sera qu'énergie. Son corps matériel ne sera plus sujet aux lois de la mémoire invoquées par les forces de gravité au profit des forces de l'âme. « C'est pour ça que c'est si important qu'il y ait sur la terre des initiés. Pourquoi? Parce que les initiés sont des êtres qui n'ont pas d'intelligence karmique. Donc, ils n'ont que de l'intelligence libre. Donc, ils n'ont qu'une chose à faire sur une planète. C'est de renverser la valeur de l'intelligence planétaire pour donner naissance à une autre façon de voir afin de mieux regarder ce qui ne se comprend pas, mais qui se sait. Afin de commencer un nouveau cycle d'évolution pour amener l'homme à contempler une fois pour toutes que tout ce qui est de son ego n'est que de la mémoire, n'est que de l'intelligence réflexive qu'on appelle de l'intelligence karmique. Il faut que l'homme, un jour, en arrive à pouvoir fonctionner au niveau de son intelligence libre à un taux de vibratoire tellement élevé pour pouvoir instantanément changer une condition vibratoire. Que la condition vibratoire soit dans la matière ou que la condition vibratoire soit dans le corps astral ou qu'elle soit dans le mental de l'homme, il faut que l'homme en arrive à pouvoir changer la condition vibratoire d'un plan d'énergie. Et quand l'homme pourra faire ça, ben à ce moment-là, l'homme pourra réellement guérir les maux qui existent sur la planète à tous les niveaux. Mais pour que l'homme puisse faire ça, il faut qu'il soit totalement désengagé de la mémoire d'âme ou de l'intelligence karmique ou de ses relations subjectives avec des intelligences qui sont dans l'astral et qui font partie aussi de la mémoire karmique de l'évolution. Il faut que l'homme en arrive un jour à être suffisamment dans son intelligence libre pour être capable de ne jamais avoir à comprendre quoi que ce soit. La minute que vous comprenez quelque chose, ça fait partie de votre intelligence karmique. Aussitôt que vous commencez à ne plus comprendre quelque chose, quand je veux dire plus comprendre quelque chose, je ne veux pas dire plus comprendre quelque chose, je veux dire plus avoir à comprendre quelque chose au niveau de l'ego, mais à ne le comprendre qu'au niveau de l'esprit. Tant que l'homme est obligé de comprendre quelque chose, il se crée un système de référence psychologique pour se sécuriser émotivement, afin de maintenir contact avec sa mémoire d'âme, afin de demeurer dans la sécurité psychologique et égoïque de son intelligence karmique. Donc, il s'occupe de son esprit, donc il s'occupe de l'immortalité, donc il s'empêche un jour de transmuter tous ses plans pour qu'il ne demeure que quoi? Son esprit se servant de quoi? Du plan mental, du plan astral, du plan éthérique ou du plan physique, selon ce qu'il y a à faire. Et les cosmogonies du monde, les cosmogonies hindoues ou occidentales, ont arrêté là où moi je commence. Elles ont arrêté là où je commence parce que je suis le seul homme sur la Terre qui ne pense pas. Donc, je suis le seul homme sur la Terre qui est capable de dévier de la façon de penser des autres. Donc, je suis le seul homme sur la Terre qui n'a pas à penser pour savoir, qui a simplement à parler pour raconter ce qui est quoi. Ce qui est intelligent. Puis c'est pas facile pour l'ego de comprendre ceci, de réaliser ceci, parce que l'ego est prisonnier d'une limite fondamentale dans la construction de son intelligence. Et la limite fondamentale de l'ego dans la construction de son intelligence, c'est son incapacité émotive et mentale de déchirer le voile de sa propre intelligence karmique pour rentrer dans l'infinité de l'intelligence libre, qui est un champ de force. L'intelligence libre, c'est un champ de force qui est maintenu, qui est contrôlé par l'esprit de l'homme. Mais tant que l'ego s'habitue pas à détruire ou à dépasser les limites de son intelligence karmique, il n'est pas capable de substituer la connaissance pour le savoir. Donc, il n'est pas capable de substituer l'ignorance pour l'intelligence. Donc, il n'est pas capable de substituer la forme de l'énergie pour l'énergie. Donc, il n'est pas capable d'utiliser sa propre énergie. Donc, il n'est pas capable de transmuter ses propres corps. C'est l'homme, c'est l'ego, c'est l'esprit de l'homme qui transmute les corps subtils inférieurs dont il s'affaire pour son évolution. Et l'esprit de l'homme doit un jour être libre, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme doit un jour être capable de transmuter n'importe quel de ses corps, mental, astral, physique, éthérique, pourvu que il n'y ait pas de bloc au niveau de l'ego, au niveau de l'intelligence karmique, parce que c'est la seule force qui empêche la lumière de descendre dans les matières denses de l'homme inférieur. Autrement dit, qu'est-ce que c'est l'homme cosmique? L'homme cosmique, c'est la partie qui est inviolable, c'est la partie qui est intouchable, c'est la partie qui n'est pas assujettie par l'homme inférieur. Et l'homme inférieur doit un jour être totalement réorganisé vibratoirement par l'homme cosmique. C'est l'homme cosmique qui doit déterminer le taux vibratoire des corps subtils qui donne effectivement au niveau de la matière une personnalité physique qu'on appelle l'être humain. Ce n'est pas l'ego qui peut et qui doit ou qui a le pouvoir de transmuter sa matière. C'est l'homme cosmique, c'est la partie, c'est l'esprit qu'on appelle aujourd'hui l'esprit. On ira plus loin un jour, mais pour le moment qu'on appelle l'esprit de l'homme. Mais on devra dire l'esprit dans l'homme au lieu de dire l'esprit de l'homme. Parce que pour le moment, l'esprit de l'homme, c'est sa conscience astrale. C'est pas sa conscience mentale supérieure. L'homme ne peut pas s'asseoir, quand il se conscientise, sur le passé de son expérience mentale. Il doit être capable d'être présent instantanément dans le libre mouvement de l'énergie de l'esprit à travers de son corps mental pour découvrir instantanément les nouveaux approches à la destruction de l'intelligence karmique afin de se libérer de la forme pour pouvoir conscientiser de plus en plus ses corps subtils pour qu'il en arrive un jour à avoir un esprit en puissance, c'est-à-dire un esprit qui est capable de commander à sa matière. Quand l'esprit commandera à la matière de l'homme, on dira que l'homme commande à la matière, mais dans le fond, c'est l'esprit dans l'homme qui commandera à la matière. L'homme, l'être humain qui se conscientise, doit tuer ce qu'il est. L'être humain, l'homme, doit tuer ce qu'il est. Et pour que l'homme tue ce qu'il est, il faut qu'il prenne en main son intelligence libre pour détruire son intelligence karmique. C'est l'homme qui tuera l'homme. Et l'homme, quand l'homme aura tué l'homme, il donnera naissance à un autre homme qui sera le surhomme. Mais c'est l'homme qui tuera l'homme. Et traduit ça dans des termes plus près de nous, la mutation, la transmutation de l'homme est dans les mains de l'homme, est dans vos mains. Autrement dit, plus vous êtes capable de prendre objectivement ce que vous savez, plus vous êtes capable de transmuter. Moi, tout ce que je fais, c'est vous donner des outils. Mais c'est à vous de les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, vous êtes obligé de passer à d'autres cycles d'évolution. Si vous les utilisez, à ce moment-là, vous passez où vous devez aller. Alors, c'est à l'homme de tuer l'homme. Parce que l'homme qui existe sur la Terre n'est pas réel. Il est simplement circonstanciel, c'est-à-dire qu'il est le produit d'un arrangement extrêmement évolué, d'une conscience astrale qui a le contrôle total sur son mode d'autogestion, c'est-à-dire sur son mode de perception, c'est-à-dire sur son mode d'interrogation intérieure vis-à-vis de la matière ou vis-à-vis des grands systèmes qu'il voit à travers sa science. Mais ceci n'est qu'un truc de l'intelligence karmique. L'homme doit découvrir qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Et il ne découvrira qu'est-ce que c'est de l'intelligence lorsqu'il aura tué l'intelligence karmique en lui. Donc, la découverte de l'intelligence créera un grand poids sur ses épaules parce que découvrir ce que l'intelligence karmique refuse d'admettre pour sa propre substance, pour son propre maintien, effectivement, met tout le poids de l'énergie de l'intelligence sur les épaules mentales et émotionnelles et vitales et physiques de l'homme. Donc, l'homme prend sur lui-même le poids de l'énergie de son esprit. C'est ça que je veux parler de ça. Quand l'homme commence à prendre sur ses épaules le poids de l'énergie de son esprit, ça veut dire que l'homme commence à prendre sur les épaules le poids de la valeur vibratoire de ce qu'il dit. Et ce poids-là peut être suffisamment lourd pour forcer l'homme éventuellement à développer une très grande résistance contre les abattements de la conscience astrale ou de l'intelligence karmique qui se fera sentir au niveau émotionnel et mental quand il prendra conscience trop grande de choses qui font partie de son esprit. Il y aura toujours un combat entre vous autres, entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Et tant qu'il y aura un combat en vous entre le vrai et le faux, on ne parlera pas du bien et du mal, mais tant qu'il y aura, parce que vous allez dépasser le bien et le mal avant le vrai et le faux, parce que le vrai et le faux, c'est simplement l'extension dans votre esprit du bien et du mal. Le vrai et le faux, c'est l'extension dans votre esprit du bien et du mal. Le bien et le mal ne fait partie que de votre conscience astrale. Le vrai et le faux fait partie de votre conscience mentale. Et les deux ne se rencontrent que dans les exigences émotives et mentales de votre conscience réflexive qui est manifestée chez vous par votre intellect ou par votre intelligence karmique. Quand vous serez dans l'intelligence libre, le vrai et le faux n'existeront plus. Et le mal et le bien... Qu'est-ce que j'ai dit? Le vrai et le faux? Puis le mal et le bien non plus. Quand il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de bien, puis il n'y aura plus de vrai, puis il n'y aura plus de faux, vous serez simplement dans l'énergie du mental qui activera vos plans inférieurs et ça vous permettra de vivre votre vie selon les lois de l'esprit, selon les lois de l'intelligence, selon les lois de votre propre lumière, puis à ce moment-là, vous ferez une très belle vie sur le plan matériel comme vous ferez une très belle vie dans l'état. En attendant, vous pensez. L'homme ne peut pas manquer à la loi. L'homme qui se conscientise, l'homme qui va vers l'évolution, l'homme qui va vers la fusion ne peut pas manquer à la loi de l'énergie. Il peut manquer à la loi de la forme, mais il ne peut pas manquer à la loi de l'énergie parce que la loi de l'énergie éventuellement l'amènera au-delà de la loi de la forme et c'est ça qui l'amènera à contempler, à vivre sur le plan matériel comme sur les autres plans de la loi de l'énergie. Et c'est quand l'homme vit de la loi de l'énergie qu'il n'a plus besoin d'intelligence karmique, qu'il n'a simplement qu'à vivre son intelligence libre. Qui est manifesté au niveau de l'action, devient un comportement humain et social totalement nouveau, totalement ajusté à des lois qui sont conformes à la destinée de l'humanité et à la destinée de l'homme et non à la mémoire historique de l'humanité qui est un protagoniste, parce que l'humanité est le protagoniste sur la Terre de la mémoire d'âme et de la mémoire d'âme universelle. Il n'y a absolument rien dans la mémoire de l'homme qui est réel. Tout est fictif et tout est construit pour qu'il puisse être conscient suffisamment du fait qu'il existe sur un plan matériel afin de ne pas perdre contact avec son astral pour ne pas être, tant qu'il ne sera pas préparé, libre de sortir de son corps à sa volonté. Pour que l'homme sorte de son corps à sa volonté, il faut qu'il soit préparé. En attendant, il est maintenu avec des liens très forts au niveau de l'astral, c'est ce qui donne son intelligence karmique. Ça, c'est sa sécurité psychologique en attendant. Mais tant que l'homme a besoin de la sécurité psychologique à quelque niveau que ce soit, il n'est pas dans la loi de la lumière, il n'est pas dans l'intelligence libre, il n'est pas dans son esprit, il est assujetti à son âme. Si l'homme était dans son esprit, l'homme vivrait une vie merveilleuse sur la Terre, comme il vivrait une vie merveilleuse sur les autres plans. Même il serait multidimensionnel instantanément. L'homme serait très très bien. Alors c'est très important pour vous autres en tant que personnes qui vont vers une évolution de comprendre que tout le matériel qui fait partie de votre conscience égoïque, de votre conscience psychologique, matériel qui est renforcé par la crainte, par les inquiétudes, les peurs, ou matériel qui est renforcé par l'orgueil mental du savoir intellectualisé au niveau de vos émotions, par le biais de votre conscience astrale, pour le bénéfice de votre intelligence karmique, c'est tout du matériel qui éventuellement sera détruit. C'est pour ça qu'au cours de l'évolution, vous serez obligés, ceux qui iront jusque-là, vous serez obligés de vivre le grand combat entre ce que vous retenez et ce que vous devez laisser aller. Et ceux qui passeront l'autre plan seront obligés de vivre des expériences où ils seront obligés, au moins en intelligence, de ne plus retenir ce qu'ils retiennent au niveau de l'intelligence karmique. Vous serez testé dans votre intelligence karmique pour pouvoir rentrer dans votre intelligence libre. Nul entre dans l'intelligence libre sans être testé dans son intelligence karmique. Donc, vous pouvez vous attendre à des tests qui conviendront à vos esprits dans le temps, selon le mode d'opération de votre esprit à travers vos corps subtils. Que ça prenne 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça n'a pas d'importance. Mais un jour, ça doit venir. Parce que c'est comme ça que se fait le recrutement des immortels. Les immortels seront recrutés sur la Terre entière. Essayez donc de comprendre l'importance de pas parler de ce que vous connaissez, mais de parler de ce que vous ne connaissez pas, afin de savoir ce que vous connaissez et de comprendre ce que vous savez. Quand vous serez rendu à ce point-là, vous aimerez parler comme moi j'aime parler. Et rendu à ce point-là, vous critiquerez plus les gens. Vous les écouterez avec patience. Vous prendrez ce qui est libre dans leur intelligence et vous ne mettrez pas d'importance dans ce qui est karmique dans leur intelligence. Si vous attachez à ce que vous savez, vous allez perdre conscience graduellement, puis un jour vous deviendrez sénile, puis un jour vous mourrez. L'importance de s'attacher, de ne pas s'attacher à ce qu'on sait, c'est très vaste. Moi, plus je vieillis, plus je rajeunis. Il n'y a pas de raison que si moi, plus je vieillis, plus je rajeunis, que vous autres, vous ne soyez pas capables de faire la même chose. Je suis pas un privilégié. Les conditions sont vibratoires, tout est énergie, et l'homme doit apprendre à manipuler son énergie. Et tant qu'il est dans l'intelligence karmique, il ne sait pas comment manipuler son énergie, parce que son énergie est contenue dans des formes qui font partie de son intelligence karmique. Donc, c'est comme si quelqu'un vous donnait un bijou, puis vous le gardiez tout le temps dans une boîte. Vous ne le portez jamais, pour le protéger. Parce qu'il y a des gens qui s'achètent des meubles et ils mettent au découvert par-dessus, pour les user. Il y en a qui se reconnaissent. Il y a un autre phénomène dans la nature de l'intelligence karmique de l'homme, c'est que l'homme a peur, puis ça c'est subtil. Ça. L'homme a peur d'user son corps. C'est toi que les gens s'intéressent à leur santé, là, puis la patente. C'est une vraie rendue, une vraie bénie, cette patente-là. Puis il y a tellement de gens qui s'intéressent à leur santé que tout le monde vient malade. Puis les gens qui s'intéressent le plus à leur santé sont aux États-Unis, puis c'est là qu'il y a une plus grande maladie dans le monde. Arrêtez de vous intéresser à votre santé. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de votre santé. Il y a une différence entre s'intéresser à notre santé et prendre soin de notre santé. Moi, je prends soin de ma santé, mais je ne m'intéresse pas à ma santé. Quand on s'intéresse à notre santé, on s'inquiète de notre santé. Quand on prend soin de notre santé, on utilise notre intelligence libre pour demeurer hors de la souffrance du corps matériel. Différence. Maudite différence. Puis comme tout est énergie, si vous vous intéressez à votre santé, vous vous rendrez malade. Mettez ça dans votre tête. Si vous prenez soin de votre santé, vous éliminerez la maladie. Si vous vous intéressez à votre santé, vous vous rendrez malade. Parce que vous créerez dans votre corps astral une vibration qui demeurera là et qui jouera sur votre insécurité matérielle, votre insécurité psychologique, et vous deviendrez malade. Dans le monde de l'intelligence, dans le monde de l'esprit, tout est subtil. Dans le monde de l'ignorance, tout est grossier. Et nous ne travaillons qu'avec du grossier. Nous oublions l'importance du subtil. Nous ne voyons pas le subtil et nous passons à côté. Et c'est le subtil qui est l'énergie, c'est pas le grossier. Le subtil et l'énergie, c'est pas le grossier. Le grossier, c'est la forme qui contient et qui emprisonne l'énergie du subtil pour maintenir l'homme dans l'ordre des êtres planétaires inférieurs. Exemple. Il y en a qui prennent une tasse. Ils aiment ça prendre un petit coup. Je ne veux pas que vous répétiez ça parce que vous allez le répéter mal. Écoutez, en tout cas, ce que vous... Il y a des gens qui prennent un petit coup. Puis ça les inquiète de prendre un petit coup. Ils ne voudraient pas prendre de petit coup. Tu prends un petit coup tant que tu n'en prends plus de petit coup. Je parle pour les gens conscients, je ne parle pas pour les gens inconscients. Pour les gens qui se conscientisent et qui ont contact avec l'énergie que je diffuse dans le mental humain, vous prenez votre petit coup tant que vous n'en prenez pas de petit coup. Si vous commencez à vous casser la tête parce que vous prenez un petit coup, vous allez prendre encore plus de petits coups parce que vous allez développer des mécanismes intérieurs qui vont vous rendre insécure subliminalement, puis qui vont vous amener à prendre un petit coup. Mais si vous prenez votre petit coup, puis vous continuez à vous conscientiser, un jour, vous prendrez plus de petits coups parce que la raison pour laquelle vous prenez un petit coup, qui est une raison d'hypersensibilité intérieure, elle va s'ajuster, vos corps vont s'ajuster, puis un jour, vous n'allez plus à prendre de petits coups. Fait qu'en attendant, prenez votre petit coup. Autrement dit, inquiétez-vous pas trop de votre santé, mais prenez soin de votre santé. Puis de temps en temps, vous allez prendre soin de votre petit coup, vous allez dire, non, à soir, j'en prends pas. Ça, c'est prendre soin de votre petit coup, de votre santé. Puis de temps en temps, vous allez prendre un petit coup. Mais si vous commencez à trop vous intéresser à votre santé à cause de votre petit coup, là, vous allez en prendre d'autres petits coups. Fait que continuez à les prendre, vos petits coups. Si vous prenez vos petits coups, c'est parce qu'il y a des ajustements qui doivent être faits dans vos corps, puis c'est pour supporter une trop grande sensibilité. C'est la même chose pour la cigarette. Moi, je fume, puis je suis fusionné. Pas de raison de fumer. J'en ai une maudite bonne raison de fumer. Je m'ai arrêté ici en 84. Je fume moins, là. Ça diminue depuis un an. Là. Pourquoi? Parce que j'ai pu à subir autant de stress au niveau de mon corps astral. Là, je fume moins. 84, je fumerai plus. Mais c'est pas moi qui vais arrêter de fumer. Ça va s'arrêter de seul. C'est différent. Si c'est à moi qui m'arrêtera de fumer, là, ça sera pas bon. Mais comme ça va s'arrêter de seul, là, ça va être bon. C'est même que ça marche. Mais je veux pas que vous disiez ça en public parce que ça va être mal interprété. Parce que les gens qui sont inconscients, qui ont avantage à prendre des méthodes pour arrêter de prendre un petit coup, pour eux autres, c'est bon. Parce que sont sur une autre vibration, sont sur la vibration du corps astral. Ils sont pas sur la vibration du corps mental. Mais quand des gens rentrent sur la vibration du corps mental, c'est le corps mental qui va amener éventuellement l'arrêt dans le corps astral de la nécessité de prendre un petit coup. C'est pas l'ego. Fait que ceux pour qui ça peut aider à comprendre des choses, écoutez-les. Quand on rentre dans la vibration du mental, on ne vit plus comme quand on était dans la vibration de l'astral. Quand vous me rencontrez, vous rentrez automatiquement dans la vibration du mental. Fait que graduellement, ça s'ajuste. Mais si votre chum est inconscient, qui n'est pas dans la vibration du mental, qui n'est pas en train de développer un atome mental, à ce moment-là, c'est pas bon pour vous de dire de continuer à prendre un petit coup. Tu vois ça, la vibration est subtile? Parce que c'est plus la même alliance. L'alliance entre son petit coup puis son ego, puis votre petit coup puis votre ego, c'est deux alliances différentes. Lui, son petit coup est dominé par l'astral, tandis que votre petit coup est dominé par le mental supérieur. Fait que lui, c'est bon que tu dis, bon, mais rentre chez AA, ben on va prendre une queue quelque part des monastères, quoi, lui, c'est bon. Ça va te faire réfléchir au niveau de son intelligence karmique, puis il va prendre d'autres dispositions, il va développer d'autres habitudes, puis il va arrêter de prendre des petits coups, puis il va courir les femmes, au moins ça va rebalancer, ça va changer mal de place. Mais ça, c'est bien subtil. Ça, c'est du domaine de l'esprit. Je vous le dis parce que c'est de même que ça marche. C'est à vous autres avec le temps de le réaliser. Quand vous réaliserez, à ce moment-là, le petit coup partira. Il y aura d'autres choses qui... On n'invoque pas sur le plan matériel les conditions de notre vie comme on le pense. Il y a des forces, il y a des vibrations, il y a des énergies, il y a toutes sortes de choses qui font qu'on agit de telle façon. Quand on rentre dans la vibration du mental, on commence à décoder ça. On commence à comprendre le mécanisme de la relation entre l'ego et l'esprit. Et aussitôt qu'on est capable de vivre au niveau de l'esprit à travers notre ego, on commence à ne plus s'intéresser et s'interroger trop sur nos afflictions subjectives, personnelles. Et avec le temps, ça disparaît. Mais in the meantime, ça nous soutient dans notre grande sensibilité et ça nous soutient dans des moments où notre corps astral vibre trop. Pensez-vous que l'esprit n'est pas capable de transmuter tout chez l'homme? Mais il faut que l'homme ait contact avec son esprit pour que la transmutation se fasse. Que tu prennes un petit coup, puis que tu prennes, que tu fumes, l'énergie va transmuter anyway la matière. Fait que si je vous dis apprenez à parler de ce que vous ne connaissez pas, c'est pour vous amener à vous habituer à ce que vous savez. Ça va créer des remous en vous.